Chapitre 8e. La maison dans laquelle l'officier occupait une chambre était une de ces pensions pour Américains que l'on rencontre dans le quartier. Paulin Broquet demanda à la gérante de la pension si le capitaine Allison était chez lui. « Je ne sais pas. Je vais m'en assurer. » Elle prit le téléphone domestique et demanda. « Est-ce que le capitaine James Allison est chez lui? Est-ce qu'il peut recevoir un visiteur? C'est M. Paulin Broquet, détective français, qui a une communication urgente à lui faire. » La gérante nous transmit la réponse qui lui parvint par l'appareil et dit à Paulin Broquet « Le capitaine Allison sera heureux de vous recevoir. Il vous attend. » Le capitaine Allison nous attendait sur le pas de sa porte entrouverte. Quoique très étonné de cette visite, il fit à Paulin Broquet et à moi un cordial accueil. Il nous pria d'entrer dans sa chambre et nous vîmes sur sa table de travail divers papiers, des documents qu'il était en train de parcourir quand le coup de téléphone de la gérante vint interrompre son travail. Paulin Broquet, derrière nous, referma soigneusement la porte. « Je suis Paulin Broquet, détective français, et monsieur est mon ami. En quoi puis-je vous être utile ?» demanda le capitaine. Avec un sourire un peu forcé, le capitaine ajouta « Car n'ayant pas commis de crime en France, ni dans mon pays, je ne suppose pas que vous veniez pour m'arrêter. » Paulin Broquet lui répondit « Vous n'avez pas commis de crime, c'est entendu. » Mais vous avez assommé un homme et vous l'avez étranglé avec le fil de son téléphone. » Le capitaine sursauta. « Rassurez-vous, » dit alors Paulin Broquet en riant. « Votre victime se porte très bien, sauf qu'elle a eu quelque mal à déjeuner car sa mâchoire est encore un peu dure et douloureuse. Mais je viens surtout vous demander de me rendre les feuilles que vous avez prises arrachées dans un volume de la collection de New World Herald. Je ne sais ce que vous voulez dire. Je m'explique alors. Ce sont les feuilles relatant le procès entre A.G. Brewster et Jair Warnhood. Le capitaine pâlit affreusement. Il tressaillit, et tout à coup, sans pouvoir répondre, il porta la main douloureusement à sa poitrine, semblant étouffé et prêt à tomber en défaillance. Vivement, Paulin Broquet le prit dans ses bras et le retint. « Allons, capitaine, » lui dit-il d'une voix cordiale. « Oh, le cœur, du courage, remettez-vous, tenez-vous. » Le capitaine faisait visiblement de gros efforts pour se maintenir, mais malgré lui, ses jambes fléchissaient et Paulin Broquet dut le faire asseoir sur une chaise. « Allons, allons. Est-ce qu'un gaillard comme vous n'aurait de force que pour donner un coup de poing, du gauche, sur le menton de ce brave David Bridgeport? Vous voyez que je suis bien renseigné. Mais vous voyez aussi que je viens vous voir en ami, comme je suis allé en ami chez Harry J. Brewster, comme j'irai, un admirateur fervent, chez Miss Stella Starring. » Le capitaine se ressaisissait lentement. Il rappela à lui toute son énergie. Il regarda avec étonnement Paulin Broquet et aussi avec désespoir. Paulin Broquet lui prit les mains. « Mon cher capitaine, je suis votre ami. Cela veut tout dire. Je ne viens pas ici vous arrêter à cause du drame du New World Herald, ni également pour vous féliciter d'avoir pu échapper au revolver de Hughes J. Brewster. » Encore plus étonné et plus anxieux, le capitaine tressaillit sur sa chaise. « Je suis venu à vous pour vous dire que si vous vous étiez adressé à moi tout au début, vous n'auriez pas eu besoin d'abîmer la précieuse collection de cet excellent David Bridgeport. Je vous aurais dit qu'il vous suffisait de vous procurer les numéros de la Gazette des tribunaux de Paris, qui relatent le procès dont vous vous occupez bien plus explicitement que le journal américain. » Paulin Broquet tira de sa poche quelques numéros de journaux pliés et dit « Ces numéros, les voici. Je vous les donne en échange des feuilles de la collection que je vois là, sur votre bureau. » Il les tendit à James Allison, qui les prit en tremblant, et il ajouta « Mon cher capitaine, vous ne connaissez pas les lois françaises, que d'ailleurs les Français ne connaissent que très mal. Mais enfin, vous vous y êtes maladroitement pris pour obtenir la révision de ce procès. Comment fallait-il faire? Mon métier et de m'occuper souvent de choses désagréables qui ne me concernent pas. Cette fois, je m'occupe de votre affaire parce qu'elle touche le cœur de tout honnête homme. Alors, pour vous faciliter votre tâche, pour vous permettre de remplir votre serment, j'ai consulté un de nos plus illustres avocats parisiens, Maître Georges Burel, qui est de nos amis, un homme de dévouement et une belle âme. Maître Georges Burel veut bien se charger d'obtenir la révision du procès et la réhabilitation de votre malheureux père. » Le capitaine Allison ne put dire un mot, mais il prit les mains de Paulin Broquet, les serra fortement, et tout à coup éclata en sanglots. Paulin Broquet le laissa pleurer pendant quelques instants, puis, tout en le calmant, lui dit « Reprenons l'affaire du commencement. Pour avoir ces extraits de journaux, ces comptes rendus du procès, vous êtes venu voir Davin Bridgeport. Afin de ne pas vous compromettre, vous ne portiez pas votre uniforme de capitaine. C'est exact. Sur le refus de ce garde fidèle de la collection du journal, vous avez fait semblant d'aller voir M. Mounds pour lui demander l'autorisation de feuilleter les 40 années de cette collection. Mais vous n'êtes pas allé voir le directeur. Vous avez guetté un moment propice, sur la pointe du pied, vous êtes revenu dans le cabinet de Davin Bridgeport, et vous avez donné à cet excellent gardien qui ne s'y attendait pas un énergique coup de poing à la mâchoire. Vous l'avez endormi. C'est bien cela. Je suis au regret d'avoir pu faire mal à ce brave garçon. Et il ne vous en veut pas. Tout s'arrangera bientôt. Mais avant de l'envoyer au pays des rêves, où l'on entend sonner les cloches, vous avez pu voir qu'il mettait la petite clé de sa bibliothèque dans la poche de son gilet, en bas. Pendant que Davin dormait comme un bienheureux, vous avez pris cette petite clé, vous avez ouvert la bibliothèque, cherché rapidement l'article que vous désiriez, vous avez, pour aller plus vite, déchiré les pages, ensuite vous avez refermé la bibliothèque et remis la clé dans le gilet de Bridgeport. C'est parfaitement cela. Seulement, dans votre hâte, vous avez remis la clé dans la poche du haut, et non dans celle du bas, où elle devait se trouver d'habitude. C'est très possible. Puis, voyant le brave Davin à terre, sans connaissance, immobile, vous avez eu pitié de lui. Oui, pauvre garçon. J'ai bien regretté d'avoir tapé si fort, mais j'ai cru qu'il fallait donner un coup de ce degré pour pouvoir mener à bien mon opération. Pour le réconforter, pour le remettre d'aplomb, vous lui avez fait prendre de ce remède que vous avez toujours sur vous, dans une bouteille plate, sous votre vareuse, et qui vous réussit si bien. C'est exact. Comment savez-vous? Vous étiez là. Vous avez vu? Attendez. Dans votre empressement à guérir ce brave Davin, vous lui avez fait avaler presque tout le contenu du flacon. Il est tombé du liquide, cependant, tout naturellement, sur sa chemise, sur le tapis, et sur un bout de feuille arraché au livre de la collection. Je ne m'en suis pas douté. Le remède était bon. Il grisa absolument ce bon Bridge, qui resta à terre. Le personnel, ne l'entendant pas bouger, le crut parti comme de coutume et personne ne s'occupa de lui. Dans la nuit, il manqua d'air. Il voulut ouvrir la croisée, mais il y avait une table devant la croisée, et sur cette table, le téléphone. Bridgeport, pas très maître de ses mouvements, s'embarrassa dans le fil de son téléphone et tomba à terre avec l'appareil et le fil enroulé autour de son cou. Puis le remède continuant son effet, il repartit dans un sommeil heureux. Paulin Broquet ajouta en souriant « Votre crime, vous le voyez, était fort agréable maintenant, même pour votre victime. Le lendemain seulement, le garçon de bureau, en venant faire son travail de nettoyage, découvrit Davin Bridgeport encore à terre, immobile. Il le crut mort, assassiné, étranglé. Il l'appela au secours, sans aller plus loin, sans se rendre compte de l'état de Davin. Il donna l'alarme à toute la maison et au voisinage, fit appeler la police, la magistrature, et voilà le secret du drame du New World Herald. » Paulin Broquet conclut. Ce Barentin, juge d'instruction désigné pour cette importante affaire, qui est un magistrat plein de finesse, a deviné tout de suite le mystère. Il a même classé immédiatement l'affaire, de sorte que, mon cher capitaine, vous ne serez pas inquiété pour ce crime. Et riant, Paulin Broquet acheva. « Mais vous allez me rendre les feuilles de la collection dont l'absence dépare le tome endommagé et désole absolument Davin Bridgeport. Maintenant, vous devez bien cette réparation à votre victime. » Le capitaine remit les feuilles à Paulin Broquet en disant « J'irai plus tard m'excuser auprès de cet excellent Davin Bridgeport et lui dire que je lui donnerai toutes les compensations qu'il voudra afin d'écarter de son esprit toute animosité contre moi. Car j'espère qu'il comprendra dans quel but triste j'ai dû me livrer à cet acte que je reconnais brutal pour m'emparer de ces feuilles. J'espère alors que tout le mal sera réparé, surtout, monsieur Paulin Broquet, si vous me prêtez votre précieux concours. » Paulin Broquet, de nouveau, assura le capitaine de son aide cordiale. Puis il lui demanda des détails sur toute cette affaire qu'il connaissait déjà suffisamment. Et le capitaine, avec grande émotion, fit au détective un récit poignant des raisons de cette aventure, dont je ne rapporte ici qu'un abrégé. « Nous étions enfants, Stella et moi, dit-il, quand mon père mourut en prison, ici, en France. Durant sa captivité, il écrivait toujours à ma pauvre mère. « Je suis innocent, il faut que James me venge, obtienne la réhabilitation de ma mémoire. » Et je l'ai juré. « Je vous garantis, monsieur, que je tiendrai ma parole. » Avec énergie, il dit, « Mais je suis pauvre, sans appui, et je meurs au million de ce misérable. Je lutterai quand même. Lui sais-je, comme mon père, laisser mes os dans ce pays ?» Douloureusement, il reprit. Ma mère mourut de douleur. Ce fut cette bonne Mme Doty, notre voisine, amie de notre pauvre mère, qui prit soin de nous, malheureux orphelins qu'on repoussait et qui nous éleva. Les desseins du ciel sont impénétrables aux hommes. Ce qui devrait être impossible est souvent ce qui se produit ici-bas. Cette bonne et charitable Mme Doty avait été la nourrice de Harry J. Brewster. Harry venait, de temps en temps, voir sa nourrice pour qui il avait gardé la plus grande affection. Dans ses visites, fatalement, il devait rencontrer Stella qui ne savait rien du passé douloureux de notre père. L'amour de Stella et de Harry commença dès lors. En réalité, il était inévitable. Harry était un bon et vaillant garçon, et ma sœur Stella est l'adorable femme que vous connaissez. Moi, je me trouvais alors dans une ferme du Far West, appartenant à un ami fidèle de mon pauvre père. Lentement, le capitaine ajouta. Cet ami était venu en France pour le deuxième procès. Il témoigna, ainsi que beaucoup d'autres Américains, en faveur de mon père contre le milliardaire qu'on appelle toujours le requin des dollars. La parole de ces braves gens ne devait pas tenir aux yeux de la loi contre le simple geste d'un homme loyal qui voulait se venger. Mon père fut condamné une deuxième fois. Quand mon père mourut de désespoir, de rage, de honte dans sa prison, cet ami fidèle acheta le terrain où l'on a enterré le martyr. C'est pour cela que je savais où se trouve la tombe que vous avez vue couverte de fleurs, sur laquelle, pieusement, Stella et moi, nous allons nous incliner. Après un court repos, le capitaine reprit. Voici l'origine de tout ce drame. Mon père et Hugh J. Brewster étaient deux amis d'enfance qui, du même village, partirent ensemble à la conquête de la fortune. Après bien des péripéties, bien du mal, beaucoup de peine, ils eurent la chance de trouver, sur leur concession, un riche filon d'or. Ils l'exploitèrent pendant quelque temps, puis vendirent leur concession. Tous deux étaient riches. Hugh J. Brewster monta ensuite une banque à New York et fonda une succursale à Paris. Il dit à mon père de lui confier ses capitaux qui les feraient fructifier. Mon père était à ce moment fiancé avec celle qui devait être notre mère. Tout à son amour et confiant en son ami, il lui remit toute sa fortune. Mais au moment de se marier, il demanda des comptes. J. Brewster affirma de Paris l'avoir rendu tout son argent et n'avoir lui pas la moindre somme en dépôt. « Oui, » dit Paulin Broquet, « cela se voit assez fréquemment. » « Mon père alors vint à Paris, » reprit le capitaine, « il eut procès. Mon père ne put fournir aucun document écrit de son dépôt. Il n'avait que sa parole. La justice déféra le serment. J. Brewster présenta des pièces établissant le partage de la mine, mais il nia absolument le dépôt d'argent dans sa banque. Mon père ne put, sous serment, fournir que ses paroles d'honnête homme, puisqu'en confiant son argent, il n'avait demandé aucun papier à son ami de tout temps. « C'était en somme assez naturel, » dit Paulin Broquet, « mais bien imprudent tout de même. » Bref, la loi donna raison à J. Brewster. C'est alors que mon père, furieux, voulut se venger de son voleur. Au cours d'une bataille dans le bureau de J. Brewster, il lui porta un coup de poignard japonais qui servait d'ouvre-lettre. Mon père fut condamné pour tentative d'assassinat, naturellement. Mon père fit 5 ans de prison, fut interdit de séjour et mis hors de France. Sa peine finie, il revint en Amérique. Il retrouva la sainte femme qu'il aimait et qui avait foi en lui. Il travailla, se maria. Il eut comme enfant ma sœur et moi. Mais la chance ne le favorisa pas. Il avait toujours l'idée de reconquérir la fortune volée, de ne pas laisser sa famille dans la gêne et de se venger de J. Brewster, plusieurs fois millionnaire. C'est très compréhensible. Mon père revint en France malgré l'avis prudent de ma mère. Se trouvant en face de J. Brewster, qui niait plus formellement encore le dépôt, mon père, exaspéré, essaya de l'étrangler. Nouvelle condamnation. Cette fois, mon père ne devait sortir de prison que pour aller au cimetière de Clamart. « Oui, » dit Paulin Broquet, « c'est ce que j'ai relevé, ce que j'ai appris. C'est ce que sait aussi Maître Georges Burel, votre avocat. Vous allez obtenir la révision de ce procès et la réhabilitation de la mémoire de mon père, j'en suis certain. J'aurais tenu mon serment envers mon père, mais ici commence un autre drame aussi douloureux. « Je comprends, » dit Paulin Broquet, « je devine. » Maintenant, ma sœur Stella adore Harry, ce bon garçon, ce brave cœur, fils d'un tel misérable. Harry, que moi-même, fils de la victime de son père, je ne peux pas haïr. Harry et Stella s'adorent, et le cadavre de notre père est entre leur amour. Stella se désespère. Toute sa vie est brisée. Mais elle fait noblement le sacrifice de son bonheur pour ce qu'elle vient d'apprendre seulement par moi, ces jours-ci, que celui qu'elle aime et qu'il adore est le fils du voleur, de l'assassin de notre père. Malheureux enfant. Pour moi, reprit le capitaine, je n'oublierai jamais mon serment. Et ma vie est consacrée à le remplir. Quand la guerre a été déclarée, que les États-Unis sont entrés dans la bataille, je suis venu en France. Mon grade et mes médailles américaines et françaises, ma blessure, peut-être inguérissable, vous disent que j'ai bien fait mon devoir envers l'humanité et que je saurai le faire envers la mémoire de mon père. Paulin Broquet tendit la main au capitaine. « Vous êtes un noble et brave cœur, lui dit-il. Votre mission sacrée est près de recevoir son couronnement. » « Oui, dit James Allison, mais ce couronnement sera cruellement payé par la grande douleur de ma pauvre Stella. » Paulin Broquet secoua plus fortement les mains du capitaine et lui dit « Quand je parle de couronnement du devoir, je n'entends pas le paiement d'une noble tâche par une douleur qui ne cesse pas. J'espère, capitaine, que si vous avez, vous, votre grande satisfaction morale, votre sœur partagera sans pleurs et sans chagrin votre joie. » Le capitaine regarda Paulin Broquet avec étonnement. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-il. « Et comment pourrez-vous concilier le châtiment du misérable avec le bonheur de ces deux êtres malheureux qui ne sont pas responsables de tant de malheurs et que la fatalité accable ?» Paulin Broquet dit alors. « Je ne puis vous répondre en ce moment, capitaine. Je vous demande seulement d'avoir confiance en moi. J'ai confiance. Je vous prie alors de bien vouloir rester chez vous jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que vous ayez reçu une communication de moi. Il se peut que j'aie besoin dans un moment de votre présence. Oui, j'attends, et je suis tout à vous. Mais monsieur, je vous regarderai non pas comme le plus habile détective que nous connaissions, mais comme l'homme ayant le plus grand cœur. Si vous parveniez, en ayant sauvé l'honneur de mon père, à contribuer au bonheur de ma sœur Stella. »